Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 26. Histoire de la robotique. Les non-réponses, ou l'état des peurs actuelles, un des fondements de l'opposition à la robotique en Occident, c'est toujours, plus ou moins inconsciemment, un refus du golem, un refus de voir dissoute une rassurante barrière entre l'humain ou le vivant et les machines. On peut même se demander si l'hostilité envers l'automatisation ne relève pas partiellement aussi de ce désir que chacun reste à sa place, en particulier l'homme. Bref, s'il ne s'agit pas aussi d'une traditionnelle peur du changement. Quoi qu'il en soit, on s'aperçoit vite que l'enjeu philosophique sous-jacent consiste à définir la place et le rôle de l'être humain. Certains analystes déclarent que le débat anti-robotisation n'est plus d'actualité. Il est vrai que les impératifs économiques des entreprises ont rapidement fait sauter aux conclusions du débat, mais cependant, il nous apparaît que les questions profondes n'ont jamais été abordées. À titre d'illustration, on trouve encore de nos jours, sur le site d'un collectif des PTT, une pétition clamant « Centre de renseignement, non à la robotisation, non à la perte de nos emplois ». France Télécom prévoit 25% d'appels simples, traités par l'annuaire vocal automatisé, AVA, à l'horizon 2003, et jusqu'à 40% en 2004. Face à la peur du chômage due à l'automatisation dans les années 1961 à 1970 et 1971 à 1980, on a parfois objecté que la robotique et l'informatique créent plutôt des emplois, comme si le rêve d'une humanité travaillant moins demeurait à bout. Que cela soit volontaire ou pure coïncidence, on retrouve dans cette attitude l'image rassurante d'un ordre presque divin qu'il ne faut pas bousculer et dans lequel, comme nous le dit la Bible, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et donc, pas à celle du front de ton robot. Or, si on regarde du côté du Japon, il apparaît bien qu'on n'arrêtera pas le progrès, pas plus que les saisons, et que la question se pose plutôt en qu'allons-nous en faire pour en bénéficier, jouer, et en jouir plutôt que le subir. Il s'agit d'un profond changement de paradigme. Lorsque l'on est mis au chômage par les robots, on subit, mais lorsque l'on est payé pour le travail accompli par une machine, on en devient l'heureux bénéficiaire, qui se prétendrait aujourd'hui victime des machines à laver. Pour revenir à la question plus fondamentale du golem interdit, tant qu'on refusera de réfléchir à notre notion de l'être humain, tant que les idées de robots biologiques, de robots partenaires sociaux et d'intelligence supra-humains choqueront, on restera coincé dans un dogme crypto-religieux du refus de bousculer l'ordre divin. L'attitude opposée consiste à accepter les résultats de la science et de la technologie comme une réalité dont on ne pourra jamais se débarrasser, qu'on l'aime ou non, et pragmatiquement, à chercher à en tirer un profit collectif. Autrement dit, en dehors du champ des convictions philosophiques qui devra souffrir un certain nombre de remises en question nécessaires, ce n'est pas tant la robotique qui peut être à l'origine d'une catastrophe sociale, mais une attitude politique trop immobiliste. Si on regarde le retard pris par l'Occident sur le Japon, non seulement au niveau technologique mais au niveau de l'attitude politique voire philosophique, le mal est déjà commencé. Sera-ce le déclin d'une civilisation vieillissante au profit d'autres plus innovantes ? Fin de cette 26e partie, à bientôt. Grosse bise numérique.